1. Ya, parmi nous, chacun s'interroge sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qui nous pousse? Est-ce la quête du bonheur ou la fuite des mauvais jours? N'oubliez pas que choisir c'est renoncer. Beaucoup de combats à mener dans une destinée. Y'a trop de dilemmes dans ma destinée. Trop de joie, trop de peine dans ma destinée. De victoires et d'échecs dans ma destinée. C'est ça même, c'est ça même. Ok, années 80, mon enfance en Afrique. Kinshasa, entre espoir d'indépendance, misère et trafic. Moi je suis à l'aise avec les miens qui m'entourent. Ma grand-mère est sénégalaise, mon père est lyriciste bantou. La dictature de Mobutu, le pays se dégrade. À l'époque on ne sait pas que la situation est grave. Ça sent le drame et j'aime ma ville Kinshasa. La semaine je vais à l'école, le week-end à la madrasa. Y'a trop de force dans ma destinée. Trop de souvenirs de gosse dans ma destinée. Trop de nostalgie d'Afrique dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Ok, septembre 88, Paris me voici. Venu pour les études, pas pour le MIT. J'atterris à Roissy, éloigné de mes racines et de Kin. Ici on m'a parlé des racistes et des skins. Putain, famille immigrée, galère ordinaire. Dans un foyer à Oni, ma première cité c'est la Ravinière. De toute manière, à force de vivre dans la crise, j'ai vite compris qu'on sera jamais des gosses de la patrie. Y'a trop de luttes dans ma destinée. Trop d'espoir, trop de chutes dans ma destinée. Trop de chemin, trop de buts dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. 92, j'écris mon premier 12. J'ai le blues, premier texte sur la tête. La rue comme épouse, sur ma tête. C'était un délire pour mes potos qui louchaient sur les popos et bougeaient sur mes pompons. Yant, enragé trop tôt, j'rappe avec Abdoulaye. Et Wallaï, les mecs de Sergi connaissent mes premières punchlines. Diable rouge m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pas oublié, Philo et Prod m'ont permis de briller. Y'a trop de rimes dans ma destinée. Trop de souvenirs à Sergi dans ma destinée. Trop d'amour pour le rap dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Octobre 93, souvenir ravageur. Pourquoi je baisse les huissiers, les policiers, les déménageurs? C'était l'enfer, expulsé par des tocards. Je venais des cours et j'ai vu nos affaires sur nos trottoirs. Trop tard, une femme et quatre enfants jetés à la rue. Le cinquième a craché sa haine à la France, il est en garde à vue. Commence à remettre de la bouffe, des habits, la vie d'une famille balancée par la fenêtre. Y'a peu de fric dans ma destinée. Trop de haine anti-flic dans ma destinée. De rancune, d'amertume dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Le 30 mai 2000, Inès a vu le jour. C'est ma nièce, mon amour, je suis en liesse quand ses bras m'entourent. Au-delà de tout, rien n'a plus de valeur que ma famille, que ma femme, ceux qui m'aimaient même dans le malheur. Je sais d'ailleurs que sans eux c'est l'enfer et que je me sens meilleur à chaque fois que je les rends fiers. Les parents c'est un abri, un repère et j'espère qu'Inch'Allah moi aussi je serai père. Y'a trop de rire dans ma destinée, trop d'amour, de sourire dans ma destinée. Trop de bons moments à vivre dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Ok, 2007, venu pour changer la donne. Je cartonne les mixtapes, kick sec et voilà mon album. Que la concurrence pardonne mon talent. En l'occurrence, tu peux détester mais j'ai pas rester les bras ballants. Pas né dans le ghetto, rien à battre de vos règles. Ton rap est trop raide, venu du bled, moi j'ai d'autres rêves. Et je te révèle que Youssoufa est venu t'offenser. Car t'avais jamais entendu de rap français. Dans ma destinée, trop d'espoir et d'histoire dans ma destinée. Trop de raisons d'y croire dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Y'a trop de dilemmes dans ma destinée. Trop de joie, trop de peine dans ma destinée. De victoires et d'échecs dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Yeah.